Chapitre 8. L'avertissement. Les coups discrets sur la porte de métal se perdirent le long de la coursive. La pénombre se pressait autour d'Ophélie et de son petit plateau fumant. Ce n'était pas une véritable obscurité. Les veilleuses permettaient de distinguer le papier peint à rayures, le numéro des cabines, les vases de fleurs sur les consoles. Ophélie laissa passer quelques battements de cœur et guetta un bruit de l'autre côté de la porte, mais seul le ronronnement des hélices rythmait le silence en toile de fond. Elle pinça maladroitement le plateau dans un gant et frappa encore deux coups. Personne ne lui ouvrit. Elle en serait quitte pour revenir plus tard. Plateau en main, Ophélie pivota sur ses talons avec précaution. Elle eut aussitôt un mouvement de recul, son dos heurta la porte dont elle venait de se détourner. La tasse déversa un peu de sa tisane. Dressée dans toute son altitude, Thorne laissait tomber sur elle un regard incisif. Loin d'adoucir sa figure anguleuse, les veilleuses en creusaient les balafres et amplifiaient l'ombre hérissée de la fourrure sur les parois du couloir. Ophélie le jugea décidément beaucoup trop grand pour elle. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il avait articulé sa question d'une voix plate, sans chaleur. Son accent du Nord appuyait rudement sur chaque consonne. Ophélie lui tendit son plateau. « Ma tante tient à ce que je vous serve une tisane. » Sa marraine aurait désapprouvé cette franchise, mais Ophélie montait mal. Raide comme une stalagmite, les bras ballants, Thorne ne remua pas d'un pouce pour saisir la tasse qu'elle lui offrait. C'était à se demander si, au fond, il n'était pas plus idiot que dédaigneux. « C'est une infusion de tilleul, » dit-elle. « Il paraît que ça... »« Vous parlez toujours si bas. » La coupa-t-il abruptement. « C'est à peine si l'on vous comprend. » Ophélie observa un silence, puis parla encore plus bas. « Toujours. » Thorne plissa le front tandis qu'il semblait chercher en vain quelque chose digne d'intérêt chez ce petit bout de femme, derrière ses lourdes mèches brunes, derrière ses lunettes rectangulaires, derrière son vieux cache-nez. Ophélie prit conscience, après un face-à-face interminable, qu'il voulait accéder à sa cabine. Elle fit un pas de côté avec son plateau de tisane. Thorne dut plier sa silhouette à rallonge jusqu'à pouvoir passer sous le linteau de sa porte. Ophélie se tint sur le seuil encombré de son plateau. La cabine de Thorne, à l'instar de toutes celles du dirigeable, était très exiguë. Une banquette tapissée qui se transformait en lit, un filet à bagages, un étroit couloir de circulation, une tablette au fond de la pièce avec un nécessaire à écrire, et c'était tout. Ophélie avait déjà du mal à se mouvoir dans sa loge, il était presque miraculeux que Thorne pût entrer dans la sienne sans se cogner partout. Il tira sur le cordon d'une ampoule de plafond, déversa sa fourrure d'ours en travers de la banquette et s'appuya des deux mains sur la tablette de travail. Il y avait là des calepins et des blocs barbouillés de notes. Penché sur cette étrange paperasse, le dos cassé en deux, Thorne ne bougea plus d'une oreille. Ophélie se demanda s'il réfléchissait ou s'il lisait. Il paraissait l'avoir tout bonnement oublié dans son couloir, mais au moins n'avait-il pas refermé la porte derrière lui. Il n'était pas dans la nature d'Ophélie de harceler un homme de questions aussi, attendit-elle le plus patiemment du monde devant la cabine, gelée jusqu'aux os, soufflant des nuages de buée à chaque expiration. Elle observa avec attention les muscles noués de la nuque, les poignets osseux qui dépassaient des manches, les omoplates saillantes sous la tunique, les longues jambes nerveuses. Cet homme était entièrement crispé. À croire qu'il était mal à son aise dans ce corps trop grand et trop maigre qu'électrifiait une tension perpétuelle. « Encore là ?» grommela-t-il sans daigner se retourner. Ophélie comprit qu'il ne toucherait pas à la tisane. Pour se soulager les mains, elle la but elle-même. Le liquide chaud lui fit du bien. « Je vous déconcentre ?» murmura-t-elle en sirotant sa tasse. « Vous ne survivrez pas. » Le cœur d'Ophélie se décrocha. Elle ne put faire autrement que recracher sa tisane dans la tasse. C'était cela ou tout avait l'air de travers. Thorne lui présentait obstinément son dos. Elle aurait donné cher pour le regarder en face et vérifier qu'il ne se moquait pas d'elle. « À quoi prétendez-vous que je ne survivrai pas » demanda-t-elle. « Au pôle, à la cour, à nos fiançailles. Vous devriez retourner dans l'Égypte de votre mère tant que vous en avez encore l'opportunité. » Déconcertée, Ophélie n'entendait rien à ces menaces à peine maquillées. « Vous me répudiez ?» Les épaules de Thorn se contractèrent, et il tourna à demi sa haute silhouette d'épouvantail et versa un regard négligent dans sa direction. Ophélie se demanda si la pliure de sa bouche tenait du sourire ou de la grimace. « Répudier ? » grinça-t-il. « Vous avez une vision édulcorée de nos coutumes. »« Je ne vous suis pas, » souffla Ophélie. « Ce mariage me répugne autant qu'à vous, n'en doutez pas, mais je me suis engagé auprès de votre famille au nom de la mienne propre. Je ne suis pas en position de me défaire de mon serment sans en payer le prix, et il est élevé. » Ophélie prit le temps d'assimiler ses paroles. « Je ne puis davantage, monsieur, si c'est ce que vous espérez de moi. En renonçant à ce mariage sans une motivation recevable, je déshonorerais ma famille, je serais banni, sans autre forme de procès. » Thorn fronça plus encore les sourcils dont l'un était tranché en deux par sa cicatrice. La réponse d'Ophélie n'était pas celle qu'il aurait voulu entendre. « Vos mœurs sont plus souples que les nôtres, » la contredit-il avec un air de condescendance. « J'ai flairé de près le nid où vous avez grandi, rien de comparable avec le monde qui s'apprête à vous accueillir. » Ophélie serra les doigts autour de sa tasse. Cet homme s'adonnait à des manœuvres d'intimidation et ça ne lui plaisait pas. Il ne voulait pas d'elle, elle l'avait parfaitement compris, et elle ne lui en tenait pas rigueur. Mais qu'il attendît de la femme qu'il avait demandée en mariage, qu'elle endossât toute la responsabilité d'une rupture, c'était assez lâche. « Vous noircissez délibérément le tableau, » l'accusa-t-elle dans un chuchotis. « Quel profit nos familles peuvent-elles espérer tirer de notre union si je ne suis pas censée en réchapper? Vous me prêtez une importance que je n'ai pas. » Elle laissa passer un ange avant d'achever, en épiant la réaction de Thorn. Ou vous me taisez l'essentiel. » Les yeux métalliques se firent plus perçants. Cette fois, Thorn ne la regardait pas par-dessus l'épaule, de haut et de loin. Il la regardait avec vigilance, au contraire, tout en frottant sa mâchoire mal rasée. Il tiqua quand il s'aperçut que l'écharpe d'Ophélie, qui ruisselait jusqu'au sol, battait l'air comme la queue d'un chat énervé. « Plus je vous observe, plus je suis conforté dans ma première impression. » maugréa-t-il. « Trop chétive, trop engourdie, trop choyée. Vous n'êtes pas forgée pour l'endroit où je vous emmène. Si vous m'y suivez, vous ne passerez pas l'hiver. À vous de voir. » Ophélie soutint le regard qu'il appuyait sur elle. Un regard de fer, un regard de défi. Les paroles du grand-oncle résonnèrent dans sa mémoire et elle s'entendit lui répondre. « Vous ne me connaissez pas. « Monsieur. » Elle reposa la tasse de tisane sur son plateau et lentement, à geste posé, elle referma la porte entre eux. Plusieurs jours s'écoulèrent encore sans qu'Ophélie recroisât Thorn dans la salle à manger ou au détour d'une coursive. L'échange qu'ils avaient eu la laissa longtemps perplexe. Pour ne pas inquiéter inutilement sa tante, elle lui avait menti. Thorn était trop occupé pour la recevoir, il ne s'était pas adressé la parole. Tandis que sa marraine échafaudait déjà de nouvelles stratégies amoureuses, Ophélie grignotait les coutures de ses gants. Sur quel échiquier les doyennes l'avaient-elles placée? Les dangers évoqués par Thorn étaient-ils bien réels ou avait-il juste cherché à l'effrayer dans l'espoir qu'elle s'en retournât chez elle? Sa position à la cour était-elle vraiment aussi assurée que sa famille le croyait? Persécutée par sa tante, Ophélie avait besoin de s'isoler. Elle s'enferma dans les toilettes du dirigeable, ôta ses lunettes, plaqua son front sur le hublot glacé et n'en décolla plus pendant un long moment, son souffle déposant sur la vitre un voile de plus en plus épais. Elle ne voyait rien du dehors à cause de la neige qui encroûtait le hublot, mais elle savait que c'était la nuit. Le soleil, repoussé par l'hiver polaire, ne se montrait plus depuis 3 jours. Soudain, l'ampoule électrique palpita fébrilement et le sol se mit à chalouper sous les pieds d'Ophélie. Elle quitta les toilettes. Alentour, le dirigeable crissait, gémissait, craquait, tandis qu'il amorçait des manœuvres d'amarrage en pleine tempête de neige. « Ce n'est pas possible, tu n'es pas encore prête !» s'exclama la tante Roseline en déboulant dans le couloir, emmitouflée sous plusieurs épaissures de fourrure. « Va vite rassembler tes affaires, et si tu ne veux pas geler avant d'avoir franchi la passerelle, couvre-toi » Ophélie s'enfourna dans deux manteaux, un gros bonnet, des moufles en plus de ses gants, et donna plusieurs tours à son interminable écharpe. À la fin, elle ne pouvait plus rabattre ses bras tellement elle était étriquée par les couches de vêtements. Quand elle rejoignit le reste de l'équipage dans le sas du dirigeable, on débarquait ses malles au dehors. Un vent coupant comme du verre s'engouffrait par la portière et blanchissait déjà le parquet de neige. La température était si basse dans cette pièce qu'Ophélie en eut les larmes aux yeux. Impassible sous sa pelisse d'ours, battue par les rafales, la longue silhouette de Thorne s'engagea sans hésitation dans la tourmente. Quand Ophélie s'avança à son tour sur la passerelle, elle eut l'impression d'avaler de la glace à plein poumon. Les croûtes de neige qui recouvraient ses lunettes l'aveuglaient et les cordes de la passerelle glissaient sous ses moufles. Chaque marche lui coûtait. Il lui semblait que ses orteils se pétrifiaient sur place au fond de ses bottines. Quelque part derrière elle, étouffée par la bise, la voix de la tante lui cria de prendre garde où elle posait les pieds. Il n'en fallut pas davantage à Ophélie. Elle dérapa aussitôt et se rattrapa tant bien que mal au cordon de sécurité, une jambe se balançant dans le vide. Elle ignorait quelle distance séparait encore la passerelle du sol, et elle ne voulait pas le savoir. « Descendez doucement !» lui recommanda un membre de l'équipage en lui agrippant le coude. « Là !» Ophélie gagna la terre ferme, plus morte que vive. Le vent claquait dans ses manteaux, dans ses robes, dans ses cheveux, et son bonnet s'envola au loin. Empêtrée dans ses moufles, elle essaya de faire tomber la neige tassée sur ses lunettes, mais elle s'était soudée au verre comme une coulure de plomb. Ophélie dut se résoudre à les décrocher de son nez pour se repérer. Où que portât son regard trouble, elle ne saisit que des morceaux de nuit et de neige. Elle avait perdu Thorne et sa tante. « Votre main !» lui hurla un homme. Déboussolée, elle tendit son bras au hasard et fut aussitôt happée sur un traîneau qu'elle n'avait pas vu. « Accrochez-vous !» Elle se cramponna à une barre tandis que tout son corps, crispé de froid, était ébranlé par des secousses. Un fouet claquait au-dessus d'elle encore et encore, insufflant de plus en plus de hâte à l'attelage de chien. Dans la fente de ses paupières, Ophélie crut distinguer des traînées lumineuses entrelacées dans les ténèbres, des lampadaires. Les traîneaux fendaient une ville de part en part, rejetant des vagues blanches sur les trottoirs et sur les portes. Il sembla à Ophélie que cette course dans la glace n'en finissait plus lorsque l'allure ralentit enfin, la laissant enivrée de vent et de vitesse sur son tas de fourrure. Les chiens franchissaient un massif pont-levis.